vois-tu, monsieur, qu'il y a un trésor. Après la vie, elle se la mort. Moi, je ne vivrai qu'une saison. Quand se rapproche l'hiver de ma vie, j'entends le vent me dire: fais battre tes ailes autant que tu le peux, ne te prends pas trop au sérieux. Va le voleur, déploie-toi, sois heureux. Joue du tambour ou à la ficelle. Petit papillon si belle. Toi, tu m'assures qu'il y a un trésor. Après la vie, est-ce la mort? Moi, je ne vivrai qu'une saison. Je suis qu'un petit papillon. Quand s'élève le soleil dans tes yeux, j'entends mon cœur qui bat pour la guitare de mon tendre amoureux. Je danse comme les flammes d'un feu. Je m'envole au rythme fou du carillon tout bleu de cet amour d'automne. Toi, tu m'assures qu'il y a un trésor après la vie. Est-ce la mort? Moi, je ne vivrai qu'une saison. Je suis qu'un petit pas.